S'habituer à quelque chose se dit sich gewöhnen an das, sich daran gewöhnen. Die Wohnung signifie l'appartement, le logement. Wohnung s'écrit W majuscule O-H-N-U-N-G, die Wohnung. Et louer se dit mieten. Mieten, c'est louer. Mieten, M-I-E-T-E-N. Comment diriez-vous « je louerai l'appartement »?« Je vais louer l'appartement ». Ich werde die Wohnung mieten. Bien, ich werde die Wohnung mieten. De même, comment diriez-vous « je louerai la maison »?« Je vais louer la maison ». La maison, c'est das Haus. Das Haus. Ich werde das Haus mieten. Ich werde das Haus mieten. Oui, donc das Haus, c'est la maison, et die Wohnung, l'appartement, le logement. Pour habiter, on emploiera wohnen. Wohnen, W-O-H-N-E-N. Comment direz-vous alors « nous habitons ici » ? Wir wohnen hier. Bien, wir wohnen hier. Nous habitons ici. Et comment direz-vous « nous sommes ici maintenant, mais nous n'habitons pas ici » ? Wir sind hier jetzt. Bien, wir sind hier jetzt. Ou plutôt « wir sind jetzt hier, mais nous n'habitons pas ici ». Aber wir wohnen nicht hier. Wir sind jetzt hier, aber wir wohnen nicht hier. Oui. Donc, comment demanderiez-vous à quelqu'un où habitez-vous? Wo wohnen Sie? Oui. Wo wohnen Sie? En allemand, on peut facilement obtenir des noms à partir de verbes à l'infinitif. Pour cela, il suffit d'ajouter das devant le verbe et de mettre une majuscule à celui-ci. Par exemple, le verbe leben, L-E-B-E-N. Leben, qui signifie vivre, donne das Leben, la vie. De la même manière, essen signifie manger, et la nourriture, le manger, se dit essen. Das Essen. Car l'article, c'est-à-dire ici l'équivalent de le ou la, l'article qui va avec un nom issu d'un infinitif est toujours das. La nourriture se dit donc das Essen. Das Essen. Comment diriez-vous la nourriture est très bonne ici? En allemand, bon, bonne se dit comme bien. Das Essen ist sehr gut hier. Bien. Das Essen ist sehr gut hier.